Ici, c'est Thomas Munier. Je suis avec Sparfel. Et Sparfel, Bonjour je voudrais Thomas. que tu nous parles des jeux de rôle préhistoriques. Enfin, en fait, il n'y en a pas beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a eu de Wurm et puis ta pratique à toi. Pardon, il y en a Alors, plus en anglais. j'en connais de loin, mais j'ai vraiment joué que à Wurm. Ok. Alors déjà, je vais peut-être faire un récapitulatif de comment, de ma connaissance globale du sujet pour Ouais, placer un peu sachant le. qu'après, l'idée, c'était surtout de parler là de cette idée-là de jouer une communauté sans chef qui m'intéressait en termes de narration, de gameplay, qu'est-ce que ça impliquait? Parce que Ouais. c'est assez inhabituel, je pense. Ok. Bah alors déjà moi de mon côté je suis j'ai une formation en archéologie, j'ai un master en archéologie préhistorique. Plus précisément le master BEE, biologie, écologie, environnement, parcours quaternaire, préhistoire, bioarchéologie. Bah, je suis passionné de préhistoire, j'adore cette période. C'est une période qui brasse énormément de sciences différentes, de l'astrophysique pour comprendre comment s'organisent et se passent les périodes glaciaires, pourquoi est-ce qu'il y en a, des choses comme de la biologie pour voir par exemple dans les couches sédimentaires le pollen. Alors plus précisément, moi, mon mémoire, je l'ai fait sur les pierres taillées, les quartz taillés du site du Rosel en Normandie. Et c'est donc un site du paléolithique moyen, de la période où il y a Néandertal. Sur mon temps libre, ça m'arrive assez souvent en plus de faire un peu d'expérimentation, donc travailler de l'os. Alors, c'est pas vegan, ça m'est arrivé de tanner du cuir. Promis, il n'y a aucun animal qui a souffert dans le processus. C'était de la récupération. En tout cas, la souffrance ne venait pas de moi ni de quelqu'un que j'ai favorisé du tout. Ça m'est arrivé aussi de récupérer des boîtes cervidées pour travailler ça. Et bon, je taille le silex. Donc, c'est quelque chose qui me passionne. Et sinon, niveau jeu de rôle, je suis un gros joueur de Wurm. Alors, Wurm, c'est le jeu de rôle français sur la préhistoire. C'est pas le seul dans le monde, mais il n'y en a pas beaucoup. Alors, je vais compléter par une petite recherche Grog tout à l'heure, mais de tête, là, comme ça, il y a Wurm qui me vient. Wurm, son approche, c'est de jouer de la préhistorique fantasy, hein, quand même. C'est très axé sur la magie, sur une forme d'animisme, de totémisme. Donc, en France plutôt, dans la France préhistorique, dont les contours changent un peu puisque avec la glace au pôle, la mer s'abaisse de. Alors à ce moment-là, ça doit être 80 mètres, et plus tard, ça ira jusqu'à 120 ou 180 mètres, j'ai un petit doute. Donc le nord du continent européen, de toute façon, à ce moment-là, c'est de la toundra, des déserts arctiques et enfin des glaciers. Donc, c'est pas forcément accessible. Ça fait un contour de jeu qui change un petit peu. Il y a aussi plusieurs espèces humaines dans Wurm. Il y a les humains longs, qui sont donc notre espèce. Alors, une ethnie qui n'existe plus parce que, notamment, les dernières découvertes sur le sujet montrent que la peau est a priori sombre. C'est pas impossible qu'on ait d'autres découvertes sur le sujet à venir, mais a priori les gens avaient la peau sombre. Et il y a surtout plus méconnu, enfin plus méconnu, plus enfin qu'on ne connaît, qu'on ne peut plus voir de nos jours, il y a les Néandertaliens. Les Néandertaliens, les humains ours dans Wurm, qui sont des êtres alors beaucoup plus forts que nous, un peu plus petits, avec une boîte crânienne qui s'est allongée vers l'arrière plutôt que vers le dessus comme la nôtre, avec un visage plus projeté vers l'avant qui fait comme une sorte de museau, un nez qui prend un peu plus de place au milieu du visage, enfin, en tout cas un espace nasal plus important. Donc c'est fait pour jouer de la fantasy à peu près réaliste, et surtout avec des éléments de jeu qui sont assez intéressants pour émuler cette ambiance animiste, en l'occurrence le fait qu'il n'y ait pas de caractéristiques, mais des forces. Les capacités de personnages sont donc des esprits qui vont aider les PJ. Donc on va avoir par exemple force de l'ours. Et on lance 2d6 par défaut, on doit faire au-dessus d'une certaine difficulté, on lance 3d6 si on a la bonne force. Il y a les faiblesses, à l'inverse, qui vont ajouter moins 2 à certains tests, mais qui, elles, sont beaucoup, beaucoup plus profanes, on va dire. Il y a la faiblesse fragile, par exemple, ou simple d'esprit, etc. etc. Et l'autre élément qui va renforcer ça, c'est la manne, qui est une réserve de dés qu'on va pouvoir régénérer régulièrement par des actions roleplay, alors sous-entendu des rituels à improviser par les PJ selon la façon dont ils ont caractérisé à la création de communautés leur esprit. Dans les autres jeux, en tête, il y a Paléo Mythique qui me vient, qui est vraiment fait pour jouer de la préhistoire, mais à la Conan. Il y a une notion de communauté, donc c'est pas tout à fait Tartakovsky's Primal, mais c'est plus dans cette idée-là, quoi. Il y a des temples oubliés, des épées en os, des chefs, une idée de gritty fantasy. C'est beaucoup plus du med fan avec un skin préhistorique. Je sais qu'aux USA, il y a aussi Born from Ice, qui ne m'a jamais attiré pour la simple raison que c'est du D&D 5 et que j'ai du mal avec ce système, que je trouve qu'il colle très mal à la préhistoire, puisque la notion de classe induit une notion de division stricte des tâches qui colle assez mal à la préhistoire, et on y reviendra, ça va avec la notion d'acéphalité pour laquelle tu m'as invité notamment. Ouais, tu peut-être préciser voilà. Dire quoi acéphale, parce que c'est un mot ouais. Un petit peu alors voilà. je finis juste sur les autres jeux. Enfin, quoique, acéphale, c'est sans chef. J'y reviendrai, mais en fait, quoi. Les sociétés du paléolithique, a priori, n'avaient pas de chef. On ne peut pas en être certain parce qu'on ne peut pas leur demander, mais il n'y a pas de bonne raison de penser qu'ils en aient eu. Ou trop peu. Parce que, je parle sous ton contrôle, mais ça veut dire qu'on ne trouve pas les traces archéologiques qu'on trouve forcément plus tard, j'imagine, comme par exemple des sépultures prestigieuses, quoi. Alors ouais, les sépultures prestigieuses, même si c'est pas parfait, alors on en a quelques-unes, mais elles sont sur une espèce de créneau flou. En gros, ouais, je finis d'abord un tour d'horizon des jeux de rôle préhistoriques. Ouais. Donc ouais, Born from Ice, par contre, en revanche, contrairement à Wurm, a la prétention de jouer partout sur Terre. Ce qui est une belle prétention, et je pense que Wurm aurait pu avoir cette prétention à terme aussi, mais ça aurait nécessité, bah, avec ce système de force, comme c'est des animaux, ça nécessite à chaque fois des changements. Par exemple, si on joue en Asie du Sud-Est, il y a plein de trucs à faire, on peut jouer des Homo erectus, des Homo floresiensis, qui étaient tout petits, qui faisaient 1m20, qui se battaient contre des varans, d'où le fait qu'ils aient été surnommés les Hobbits, parce qu'ils étaient tout petits et ils se battaient contre des dragons. Voilà. Ça serait faisable, mais ça nécessiterait des changements profonds et de poser un contexte complexe à chaque fois à nouveau. Bon, cela dit, j'ai trop de mal avec la 5e édition pour avoir acheté Born from Ice. Et de tête, okay. Il y en a après, deux, trois autres. Après, ça pose un peu le problème de ces jeux de rôle qui se passent sur un continent, voire plusieurs. C'est qu'en fait, y a plein on te présente plein de cultures qui n'ont aucune chance de se rencontrer et tout. Donc, tu dois refaire un effort de relocalisation. C'est un peu pénible, c'est quoi. Ça. Alors, et sinon, je vois sur... Ah si, il y a Masquitches of Forgotten ou Forbidden Doggerland, qui se passe au Doggerland, donc au Mésolithique. Le Doggerland, c'est l'énorme la île qui a disparu, là, qui était au large de la Scandinavie, c'est ça? C'était sous la mer Baltique, ouais. Sous la mer du Nord. Sous la mer du Nord. Et donc entre l'Angleterre et la Scandinavie, c'est encore des hauts fonds actuellement. Et on retrouve parfois par le chalutage des restes archéologiques dedans. Alors ce jeu, en l'occurrence, il est complètement illustré par IA au moment en plus où ça commençait. Disons que quand il y a Wurm à côté, ça aide pas à lui faire une bonne presse, quoi. C'est vraiment pas un truc qui est attirant. Par contre, au niveau de la proposition, il était vachement plus sur une forme de mysticisme que Wurm, quoi. Donc là, je vois aussi sur le Grog, il y a Préhistorisk, que je ne connais pas du tout. Et qui date de 2011. On dirait, en fait, c'est une version de Risk à la préhistoire. Et il y en avait un qui se passait au néolithique aussi, mais que je n'ai plus. Il y a Sapiens aussi, de tête. Mais là, c'est plus une sorte de préhistoire sous forme de conte et de conte philosophique plus. Donc, voilà. On pourrait s'étendre. Hein. Il y a plein de jeux qui présentent de la fantasy dont le cadre s'extrapole jusque dans des circonvolutions préhistoriques. Même dans Le Seigneur des Anneaux, hein, de tête, il y a un peuple, les Druedain, qui est a priori inspiré des aborigènes d'Australie. Donc voilà, il y a plusieurs jeux qui vont présenter des éléments, mais je pense que j'ai déjà cité les principaux, même si je n'ai vraiment joué qu'à Vurm. Et évidemment, même dans la fantasy, très souvent, la tribu gobeline, elle est représentée sous des traits clichés de communautés préhistoriques. Ok, alors je propose qu'on passe à la notion d'acéphalité que j'évoquais tout à l'heure. Ouais, s'il te plaît, ouais. Ouais, parce que ce qui m'intéresse, en fait, ce qui me pose cette question, c'est comment toi et où le jeu Vurm, qui est celui que tu connais le plus apparemment, et que tu pratiques le plus, comment toi tu gères ça dans une partie de VDR ou dans une campagne, en termes à la fois de narration, d'enjeu, et puis aussi en termes peut-être de gameplay? Ouais. Alors, on a de bonnes raisons de penser que donc les sociétés du paléolithique étaient acéphales, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas de chef, pas de hiérarchisation ou pas de hiérarchisation stricte en tout cas, voire très peu de spécialisation de leurs membres en fait. Alors, sur quoi ça se base? Essentiellement sur de l'actualisme, c'est-à-dire qu'on va comparer à des peuples modernes qui sont sur un mode de vie semblable. Le mode de vie en question étant qu'ils chassent et cueillent. Enfin, ils chassent et collectent. Il y a aussi la pêche, il y a aussi la récolte de miel, par exemple, ou de diverses ressources. Et que ils ne produisent pas leur propre nourriture et ils ne vont pas non plus la stocker. Et ça, c'est assez important parce que les peuples qui stockent, quand ils commencent à stocker avec une certaine intensité, même s'ils sont chasseurs-cueilleurs, c'est le cas des natifs du nord-ouest de l'Amérique du Nord. Ils vont commencer à avoir des changements sociaux tels qu'on les connaît, tels qu'on va les considérer comme typiques, c'est-à-dire ils vont commencer à avoir des chefs, ils vont commencer à avoir des gens qui se spécialisent dans certaines tâches, ils vont commencer à avoir aussi beaucoup plus d'ostentation dans ce qu'ils fabriquent, parce que, enfin, notamment sous l'impulsion de cette hiérarchisation. Dans Vurm, a priori, on n'est pas à une époque où il y a du stockage. Donc, c'est il y a moins 35 à moins 40 000 ans. Moins 40 000 parce que l'arrivée d'Homo sapiens en fait dans la recherche évolue, mais c'est quand même un contexte qui se maintient. C'est les Homo sapiens sont arrivés en Europe et ils rencontrent les humains de Néandertal qui eux commencent à disparaître. Après, c'est à l'interprétation de chacun dans le cadre du jeu de faire ses explications sur les raisons de leur disparition. Est-ce que c'est de la faute d'Homo sapiens ou pas? Bon. Alors, pour élum... c'est très cool, c'est super intéressant factuellement, hein, scientifiquement. Le fait que la hiérarchisation soit dépendante des conditions matérielles des peuples. En plus, ça s'observe assez bien. Hein, comme je disais tout à l'heure, on va avoir assez peu de tombes avec extrêmement d'ostentation. Éventuellement, il y a celles de Sungir qui ont des perles en ivoire en très grand nombre. Il y a 15 000 perles en ivoire, je crois, c'est sur 3 individus. C'est une quantité énorme. Mais même là, on connaît une certaine inégalité dans les tombes chez les aborigènes d'Australie, par exemple. C'est juste que cette inégalité n'est pas forcément le reflet de ce qu'ils faisaient de leur vivant. Ça va être ah lui il est mort un jour de pluie, ça porte chance, on va lui mettre plus de coquillages que la moyenne. Bon, c'est pas forcément pertinent pour déceler des différences, enfin Ah oui, tu vas avoir un rituel des sur inégalités. l'acyculture, mais qui permet pas de dire que il C'est y avait ça. un prestige associé à la personne, c'est plutôt lié aux circonstances de sa mort ou des choses comme ça, quoi. Et Sungir, donc, qui est à une période où a priori il n'y a pas de stockage, a priori, hein, on ne peut pas en être sûr et certain, C'est un peu dans ce cadre-là. C'est-à-dire que éventuellement, c'est pas impossible d'avoir une disparité dans les tombes qui soit, enfin, qui explique ce type de tombe. En plus de ça, les expérimentations ont montré que finalement, c'est pas si compliqué que ça de fabriquer 15 000 perles d'ivoire. Donc, dans Wurm, en tout cas, le choix le plus intéressant par rapport à ce qui se fait d'habitude, c'est de ne pas mettre de chef. Or, ne pas mettre de chef, ça laisse quoi au PJ? Alors, de base, Wurm gère le jeu avec juste une communauté qui a des hauts et des bas. C'est pas un système qui me convainc beaucoup parce qu'en fait, ça nécessite beaucoup de calculs de comptable sur les quantités de nourriture. Et au final, c'est assez détaché des actions des PJ. C'est-à-dire que les PJ vont pouvoir renflouer la nourriture de leur communauté, de leur clan. Mais c'est à peu près tout. Alors, à titre personnel, Pardon. j'avais fait justement un système qui n'est pas testé, qui n'est pas tout à fait au point, qui est sans doute perfectible, mais qui a le mérite d'exister et d'être fait avec cette intention de justement créer des dynamiques enfin, le clan des PJ a tout le temps un projet, et les PJ peuvent orienter le choix de ce projet vers une direction ou une autre. Par exemple, si les PJ ont subi une attaque, immédiatement le clan gagne un projet, donc une horloge quoi, qui est on va aller se venger. Les PJ peuvent faire le choix d'orienter le clan vers d'autres choix. Et dans ce cas-là, ils vont faire des actions sociales qui permettent d'orienter vers tel ou tel projet la communauté, ce qui peut leur permettre de choisir, par exemple, de faire quelque chose de plus pacifiste, ou même pas Ouais. forcément quelque chose de pacifiste. Hein. Ça peut être simplement qu'eux-mêmes ont déjà décidé de se venger et que ça ferait doublon qu'en plus leur communauté le fasse aussi. Ah, ça me permet là d'aborder un aspect de gameplay intéressant qui est le gameplay de diplomatie persuasion de un PJ ou un groupe de PJ versus un grand nombre de PJ de PNJ. On va supposer que ta communauté il Ouais. y a plus de PNJ que PJ quoi. Je sais que dans certains scénarios, moi je fais beaucoup de scénarios sans règles, en fait j'ai tendance à faire que les PNJ vont avoir une occasion de s'exprimer et de donner leur avis. Et j'ai des cas de figure où en fait le groupe ne tient pas en compte leur avis, hein, c'est-à-dire qu'ils sont déjà dans une direction et en fait les PJ je considère qu'ils sont pas assez nombreux et donc ils peuvent s'exprimer, mais en fait c'est comme pisser dans un violon, quoi. Et y a d'autres scénarios ou d'autres cas de figure où, au contraire, j'estime que c'est un moment important et là, ils ont la parole. Et en fait, grosso modo, ils arrivent à un moment où les PNJ discutent entre eux, ils sont pas d'accord entre eux. Les PJ peuvent prendre la parole et juste après, le groupe, il suit la décision qui a été plaidée par les PJ. Et il n'y a pas de GD, hein, c'est juste que le scénario précise que là, on va se. Du coup, moi, quand je fais des scénarios sans règles, hein, je précise, eh bien, je vais osciller entre des cas de figure où en fait le groupe il est infléchissable, Ouais. et l'autre cas de figure c'est plutôt l'inverse, le groupe est absolument fléchissable, c'est-à-dire qu'on peut l'amener dans n'importe quelle direction, il suffit de prendre la parole et le groupe en fait va, c'est pas forcément qu'il obéisse au PJ, mais que bon, en fait, on considère que le groupe est de toute façon il y a autant de PNJ qui sont d'un avis que de l'autre, et donc bah forcément, si les PJ vont juste ajouter un poids dans un sens ou dans un autre. Et après, Ouais, en fait. le plus classique que tu vas avoir dans les jeux de rôle classiques, dans un Donjon et Dragon et tout, c'est que le groupe, en fait, bah voilà, c'est une adversité avec difficulté temps, et tu fais un jet de diplomatie contre eux, quoi. Ouais. Alors, un truc que j'avais réussi à faire, c'était lors d'un procès. Donc, un jugement qui impliquait plusieurs communautés et qui était assez bien, c'est que en gros, je faisais un genre de tir à la corde avec palier. Dans le système, les PJ pouvaient aller enfin, pour un camp ou pour l'autre. Ce système faisait que, en fait, si les PJ n'arrivent pas à convaincre les autres vont quand même chercher à montrer leur bonne foi à tous. Pas juste convaincre les PJ parce que c'est tout le temps un peu. Enfin, j'ai un peu de mal de mon côté à faire en sorte que un don convaincre les PJ, puisque ça suppose que les PJ vont être convaincus quoi qu'il arrive, mais au moins faire étalage de leur bonne foi devant tous en leur, en leur faisant des promesses, en considérant qu'ils sont redevables aux PJ. En l'occurrence, les PJ ont gagné des fétiches, mais en échange, la personne qui cherchait à défendre s'est retrouvée embarquée par un clan allié, mais en l'occurrence, dans le cadre de ce projet, adverse, quoi. Donc c'est l'idée que, pas forcément sous forme de jet de dés, mais le groupe met des choses dans la balance, quoi. C'est ça, c'est et ça. Le et groupe que... pose des conditions, des choses comme ça, quoi. C'est ça, bah du coup ça évite une certaine frustration, je trouve, qui est que les PJ vont jamais sortir complètement perdants du procès. Ils vont toujours avoir quelques bénéfices, mais c'est mais et en plus moralement ça les place pas extrêmement bien, quoi. Ouais. Ouais, donc du coup l'interaction avec le groupe, c'est l'occasion de mettre en place des dilemmes, quoi. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ah ouais. Et ça, tu vas le gérer en freeform ou il y a de la mécanique qui intervient? Alors, il y avait de la mécanique, mais là, je l'ai plus en tête. Globalement, c'était juste des jets de diplomatie en opposition pour le procès, avec du coup des petits temps pour essayer de modifier le score qu'on a fait par d'autres actions. Et sinon, au bout d'un certain temps, si jamais il n'y parvenait pas, il y a la conclusion qui est les PJ peuvent demander quelque chose, mais quoi qu'il arrive, le résultat, c'est qu'ils ont le résultat global, c'est qu'ils ont perdu, quoi. Ouais. Donc la personne, je vais utiliser les termes, mais c'est le clan du saumon gris qui voulait ramener à leurs alliés un criminel qui avait tué l'un des leurs. Ils vont emporter le criminel en question et les PJ vont pas pouvoir lui permettre d'échapper à cette sentence, mais par contre en échange ils obtiennent des fétiches, quoi. Ça veut aussi dire que globalement les PJ entre eux, s'ils appartiennent à la même communauté, la situation d'autorité, il n'y a pas d'autorité à l'intérieur du groupe de PJ, quoi. Est-ce qu'il y a des jets de dés entre PJ pour se convaincre, ou on est censé juste négocier en RP, quoi, quand on n'est pas d'accord sur les décisions à suivre? Alors, mes PJ ne sont pas... alors, il y en a peut-être qui l'ont été ponctuellement, mais ils sont pas beaucoup MJ à côté, donc en l'occurrence, de toute façon, ils n'ont pas le réflexe de se faire des jets de dés les uns les autres. Ouais. J'aurais rien contre, mais c'est jamais arrivé. Toi, tu les laisses plutôt discuter, quoi. Ouais. Alors, j'ai fait une petite remontée de bretelles à un moment, puisque parfois, laisser discuter, si c'est genre le soir, c'est la veillée, et le lendemain, il y a deux. Enfin, il va se passer quelque chose, mais les PJ savent pas qui d'un camp ou de l'autre ils vont aider, ou à qui ils vont essayer de nuire. Le gros, gros problème avec ça, c'est que. Qui s'est posé, et j'aurais dû autoriser justement des jets pour convaincre tout le monde, c'est que ils avaient tendance à retarder, à débattre, ouais, une ne pas avoir à faire de choix, quoi. En place. Ouais, c'est ouais, ça, ouais. Et en fait ils campaient sur leur position les uns les autres, et continuer à discuter, ça permettait de retarder le moment où en jeu ils devraient faire le choix de toute manière. Ouais, ouais, donc là il faut que tu fasses des sommations entre guillemets au nom du ouais, rythme, ouais. Dans ces cas-là, je pense, la prochaine fois, soit je mets un public autour, qui fait que ça permet d'autoriser un jet pour convaincre, et si jamais on fait l'action malgré le jet pour convaincre, en fait, le PJ qui est supposé avoir été convaincu, en fait, le public autour va lui en vouloir, va le considérer comme de mauvaise foi, etc. Je vais juste mettre une fin claire et nette, et je vais dire bah vous campez chacun sur vos positions jusqu'au lendemain matin, et là vous agissez, quoi. Ah ouais, mais tout comme effectivement si tu prends pas de décision, il y a la possibilité que des PNJ passent à ta place, quoi, ou fassent une bêtise pendant la nuit, alors que vous n'avez pas pris de décision pendant la nuit, bah tel PNJ a quitté le campement en décidant d'aller gérer les choses par lui-même. Avec les conséquences qui peuvent arriver. C'est ça. Ce qui permet de dire que l'écoulement du temps n'est pas neutre, quoi. Parce que c'est vrai que cette notion de temporalité, elle a aussi de l'importance pour faire ressentir c'est quoi prendre des décisions collectives, quoi. Est-ce C'est ça. que justement il faut des décisions rapides et forcément imparfaites, ou est-ce qu'au contraire il faut prendre son temps? Qu'est-ce que ça coûte de prendre son temps? Je fais un petit exemple, bon, très rapidement, parce que là, je dois me barrer dans 2 minutes. Et D'accord. de. Alors, c'est pas un jeu préhistorique, hein, attention. C'est un jeu qui se passe dans une tribu Sam. Donc, c'est le peuple autochtone au nord de la. Ben, au nord de Norvège, Suède, Finlande, quoi. Ce qu'on appelait avant les Lapons, donc, Ouais, tout à fait, qui tout à n'est fait. plus un terme approprié, mais je précise quand même parce que généralement c'est un terme qui passe plus. Ouais. Mais Aujourd'hui, c'est c'est dire un exonyme. Sam ou Sami, ouais. Tout à fait. Et donc du coup, on joue ce peuple-là. Bon, c'est clairement, il y a pas du tout de, je crois qu'il y a à peine de mention de, entre guillemets, de non-Sam. Donc il y a, c'est à une époque en tout cas où les contacts avec les non-Sam sont vraiment limités, quoi. Et donc il y a cette notion de, le jeu se joue en 3 phases. Et la première phase, c'est la phase de jour où en fait, on joue un peu une famille. Et chaque membre de la famille part dans une direction. Il y en a un qui part chasser, il y en a un autre qui part avec le troupeau de rennes. Il y en a un qui part cueillir, il y en a un qui part faire des trucs un peu chamaniques. Donc là, il y a un premier test d'épreuve, quoi. Il y a un jet de dés pour voir si tu gères bien ta journée, en gros, quoi. Et quand tu reviens, les dés, ça se trouve, c'est pas des dés, parce que c'est des jetons qu'on utilise. Bon, bref, il y a un test, quoi. Et quand tu reviens à la veillée, donc dans ce jeu s'appelle De mauvais rêves, hein. Je crois que j'ai pas dit le nom, De mauvais rêves, donc un jeu de Julien Poire. Eh bien, c'est le moment des reproches, c'est-à-dire que on va dire, bah toi, t'as mal géré ta chasse parce que ceci, cela. Toi, t'as mal géré la relation avec les esprits, donc tu nous mets en danger. Toi, t'as été paresseux, ou je sais pas quoi. Et la nuit, il y a une phase de cauchemar où l'un des membres est attaqué par des cauchemars. Et en fait, il faut le réconforter. Il faut le réconforter pour calmer le cauchemar, parce que sinon, ça peut être très très grave. Alors, OK. pourquoi je parle de ce jeu? C'est pour dire que. En fait, il n'y a pas vraiment de notion de chef, hein, dans ce. Bon, alors, les Sam, ça fait un petit peu penser à la préhistoire. Bon, évidemment, je sais très bien que c'est quand même très très casse-gueule de comparer des peuples racines actuels ou récents au néolithique. Paléo, Enfin, je sais que c'est paléolithique. paléo. Voilà, je sais que c'est risqué de le faire. Donc c'est pour ça que je mets des énormes guillemets. Et cette idée de voilà, tribu nomade sans chef, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est de. Ça met pas sous le tapis qu'il y a quand même une certaine toxicité, tu vois. Ou en tout cas, il y a des. Entre guillemets. Bah après, c'est le but du jeu, c'est d'aller vers le drama. Hein, c'est aussi pour ça. Mais je prétends pas que c'est un jeu qui ait une immense valeur ethnographique. Mais dis donc, c'est intéressant dans le sens où il cache pas sous le tapis l'éventuelle toxicité, quoi. Le fait que le groupe soit acéphale. Pas dire que on est tous copains et puis on va tous ensemble dans la même direction, il n'y a jamais de dissensus et tout. Au contraire, il met en avant le dissensus, même si après il y a une phase où finalement on se rabiboche et tout, quoi. Et les tensions au sein du groupe, quoi. Et j'imagine que c'est pas parce qu'il n'y a pas de chef dans le groupe qu'il n'y a pas quand même certains individus qui cherchent à avoir une influence, quoi. Ah oui, tout à fait. J'ai dit qu'il n'y a pas de chef, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rôle officiel. Ça n'empêche pas des gens de prendre le lead. Des gens plus charismatiques que d'autres, plus menteurs que d'autres, ou plus compétents que d'autres dans certains secteurs, ça a toujours existé. Et c'est. Enfin voilà. Par Voilà, sans exemple. parler, j'imagine que il n'est pas exagéré de parler de religion aussi, quand même, au moins du chamanisme. Alors, dans le cadre de Wurm, de toute façon, non. C'est clairement, il y a de la religion. Il croit au chamanisme. Voilà, donc On a j'imagine que quelques. la parole du chaman, c'est aussi une influence, quoi. Ouais, bien sûr. On a quelques pistes sur les croyances préhistoriques, ou plutôt sur certaines croyances préhistoriques. Pour les plus curieux, n'hésitez pas à aller chercher le nom de Jean-Loïc Lekellec, qui est à l'origine de l'idée du mythe de l'émergence. Mais globalement, dans Wurm, ça réutilise l'idée que à la préhistoire, les gens seraient des chamans. Alors en vrai, c'est pas... enfin, seraient dans des croyances chamaniques. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un individu avec le rôle de chaman qui contacte les esprits, comme chez les Inuits, comme chez Un intermédiaire, ouais. les Tchouktches, qui sont pas du tout un peuple chasseur-cueilleur pour le coup. Mais ouais, c'est l'idée. Bon, après, ils en avaient probablement à la préhistoire. Wurm n'est pas une restitution parfaite non plus de ce qu'il y avait effectivement à la préhistoire. Et de toute Oui, façon, on ne il le y a un saura peu peut-être un côté jamais. Et... préhistoire fantasy. Ouais, Plus la voilà. première édition, elle est un petit peu âgée, donc j'imagine Ouais. que. Bah, par exemple, ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'Homo sapiens à la préhistoire avait probablement la peau sombre, ça on le savait pas encore à l'époque. C'est un exemple type. On savait pas non plus que les Néandertaliens avaient probablement une voix plus aiguë que la nôtre. Je te remercie beaucoup, Sparfel. J'imagine que je Bah pourrais merci à toi. encore parler pendant des heures, mais là, moi, je dois y Ouais, aller. ouais. Donc, Ouais, à plus. un grand merci. Salut, salut. Salut.